sortie culturelle. Sortie culturelle à la Corrigan vous est présentée en direct du 380 rue Dorchester. Bonjour et bienvenue dans Sortie culturelle à la Corrigan. Jessica Leb avec vous pour vous accompagner dans ce 5 à 7 un peu spécial. On est ensemble de 17h30 à 19h30 et je vous rappelle, chaque mardi, c'est notre rendez-vous avec les artistes d'ici. Les artistes d'ailleurs aussi qui viennent nous rendre visite à Québec. Et aujourd'hui, on a encore de la belle visite, bien évidemment. On recevra Gab Paquette, le chanteur de charme qu'on voit un peu partout en ce moment. Il nous prépare un nouvel album, ça tombe bien. Il va venir ici à la Corrigan nous chanter une toute nouvelle chanson. Je vous dévoile d'ores et déjà le titre, ça s'appelle Zou. Également, chronique cidre aujourd'hui avec la Corrigan qui nous présentera l'une de ses cidreries préférées, en dégustation bien sûr. On reprend aussi notre concours talent en scène avec non pas un, mais deux candidats aujourd'hui. Aurore qui sera là à compter de 18h30 et le groupe que je vous présente dans quelques minutes, parce qu'avant cela, on aura aussi Francis Desharnais, membre du conseil d'administration de Parenthèse 9, organisme qui fait sortir la bande dessinée de ses planches pour la mettre en scène. On découvrira notamment le projet Chronique de Montcalm avec Francis Desharnais. Mais pour commencer, je vous le disais, notre premier candidat pour le retour de talent en scène, la formation Cornicula avec Valérie Muret et Jean-François Noël. Ils sont là tous les deux. Bonjour. Bonjour Jessica. Bonsoir Jessica. Bienvenue à la Corrigan, bienvenue à CKRL. Je suis ravie de vous rencontrer après avoir lu votre inscription sur le site de CKRL. Alors vous êtes un duo formé depuis 2015. Racontez-moi un petit peu comment s'est passée la rencontre. Oui, ben on s'est rencontrés en 2014, moi et Jean-François, et on aimait beaucoup la même style de musique, tout ça. Puis Jean-François, joue de la guitare depuis longtemps. Moi, j'avais commencé à chanter plus activement depuis 2010. Puis on s'est mis à jouer ensemble la musique comme ça, en faisant des covers. Un jour, on s'est mis à composer ensemble. Voilà. Tout simplement. Et alors, vos mélanges, vos influences artistiques sont très diverses quand on lit la description. Duo acoustique, alternative, prog rock, néo-folk. Vous êtes influencé par la musique des années 70 aux années 90 avec une touche de la musique du monde. Oui. Ben, ça fait tout un mélange, là. Racontez-moi d'où ça vient. Bon, moi, je peux en expliquer un peu parce que ça fait quand même 30 ans que je joue de la musique. Depuis les années 90, j'ai eu beaucoup de groupes punk rock, metal. J'ai joué dans des bands rock. J'ai fait des productions aussi pour des groupes de Québec à l'époque. Puis je pense aussi que un peu notre background musical est assez diversifié, peut-être aussi par le fait que ça fait longtemps qu'on consomme de la musique. Puis évidemment, à un moment donné, on écoute toutes sortes de choses. Puis moi, j'étais plus un musicien de guitare électrique dans des groupes avant. Puis à cause des affinités qu'on a développées, j'ai décidé de jouer de la guitare acoustique. Donc c'est un peu un hasard en fait. Mais j'ai vraiment commencé à aimer ça, jouer de la guitare acoustique. Puis j'ai pas adapté mon style de jeu en fonction de la guitare acoustique. Je compose comme je jouerais rock. Puis à force de faire les compositions qu'on a faites, vu qu'on touche un peu à toutes sortes de styles, on essaie d'adapter aussi là, nos compositions avec ça. Oui, ça se reflète, nos influences se reflètent dans ce qu'on fait. On a développé notre style à nous, à travers ça. Est-ce que ça reste punk alors tout en étant acoustique? Non, du tout. Non, on n'est pas parti là-dedans non plus. Non, c'est ça que je dis. C'est plus mon background qui m'amène à ça. Mais d'accord. Aujourd'hui, je suis différent. J'écoute d'autres choses. Mais quand on compose, on se dit pas on fait juste une chanson, toutes les chansons dans ce style-là. Je pense qu'on en a qui sont plus atmosphériques. On aime de la percussion. J'aime le piano. T'sais, c'est assez varié. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que l'album il est varié. Mm-hmm. D'ailleurs, un album qui est sorti tout récemment, puisque vous l'avez lancé le 14 septembre, To the Moon, Cornicula. Donc, on retrouve 8 chansons sur cet album. Qu'est-ce que vous vouliez faire? Parce qu'il y avait déjà eu un premier disque en 2016. Oui, on a fait un mini-album qui s'appelle On the Way. Comment ça évolue, Cornicula, finalement? Oui, ben, au début, c'était plus atmosphérique, plus planant, si on veut. Nos compositions ont évolué peut-être à quelque chose de plus rock, avec des structures un peu plus rock, mais encore avec les mêmes saveurs, justement, un peu planantes et avec des percussions. La petite saveur musique du monde, elle ressort encore, mais avec d'autres structures, puis... Découvrir, on va l'entendre en performance d'ailleurs dans quelques minutes. Est-ce que vous restez à deux pour enregistrer, produire l'album aussi? Oui, ça je voulais en parler justement. C'est une production complètement indépendante dans notre studio. On s'est équipé, on a enregistré l'album. Pour cet album-là, je voulais ça. Qu'est-ce qui s'en vient dans le futur? Ça, je n'en parle pas nécessairement tout de suite parce qu'il n'y a rien de fait. Mais ce qu'on voudrait, c'est vraiment un album qui est vraiment produit d'un studio professionnel à Montréal. Donc, mon préféré pour celle-là, l'autoproduire. Je pense qu'on a fait une belle job. Puis la pochette, ben, je peux en parler aussi. Ben oui, c'est un artiste américain que j'aime beaucoup, qui fait des pochettes de disques pour beaucoup de groupes américains. Puis même si c'est pas dans notre style de musique, moi, je l'ai approché. Puis on lui a demandé de faire l'administration pour notre pochette, qui est vraiment belle. Puis c'est nous autres qui avons monté le concept. C'est une jeune femme assise sur une lune avec une grande robe rouge qu'on peut voir sur la pochette. C'est quel oiseau qu'elle a? Je suis pas très bonne en oiseau. C'est un corbeau. C'est un corbeau, tout simplement. Qui est Corneille et où corbeau? Voilà. D'accord. Qui pourrait faire référence à votre nom, oui, Cornicula. En fait, oui, entre autres. Ce qui est Cornicula, qui est corneille en latin. Puis j'adore la corneille. Oui, on le voit aussi dans l'habit de scène, puisque tu portes des plumes. Pour tous ceux qui sont à la Corrigan, ils peuvent voir ça. Alors, je vais vous laisser vous installer, puisque le but aussi dans Talent en scène, c'est de vous entendre. Alors, allez-y, installez-vous. Pendant ce temps-là, je précise que Cornicula sera en spectacle le 7 octobre prochain au Bal du Lézard et également le 23 octobre à la Ninkasi Saint-Jean, si vous voulez les voir plus longuement, puisque là, ils vont jouer seulement 15 minutes. 15 minutes tout à eux. C'est ça, le concours Talent en scène, c'est que je ne parle plus pendant 15 minutes et je laisse la scène aux artistes en prestation. Aujourd'hui, c'est la musique à l'honneur et je rappelle aussi, si vous voulez vous procurer l'album de Cornicula qui vient tout juste de sortir, donc To The Moon, sur leur Bandcamp, cornicula.bandcamp.com. Mais pour tous les gens qui sont à la Ninkasi ce soir, à la Corrigan, pardon, ça y a trop de barres dans ma tête, à la Corrigan ce soir, 380 rue Dorchester, venez nous rejoindre parce qu'après l'émission, on fait tirer un album de Cornicula, c'est le duo lui-même qui vous l'offre, alors soyez des nôtres. Alors, sans plus attendre, mesdames et messieurs, voici Cornicula à CKRL 89. To arrive, and we welcome the love untied. Sail on the sea, sail along the rocks, sail along the shore, sail on the sea, sail along the we fait chier. Peace of mind. We can tell on the walls inside. I can see in the fog. You tell me again. Swallow rain when it falls. Until the end, now we see it. Sail along the rise, sail along and shine. Sail on the sea, sail along the ride on open freeway. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, sail along me, sail along, why sail along me, sail along, sail along me, sail along, why sail along me, sail along, sail along me, sail along, why sail along me, sail along, sail along we, sail along, why sail along me, sail along. Merci, merci beaucoup tout le monde. Alors, c'était la chanson Welcome, qui est le single de notre nouvel album To The Moon. Et on va enchaîner avec une chanson qui s'appelle Face Down. Merci tout le monde, merci. On poursuit avec une chanson encore de l'album To the Moon, qui est la pièce titre. To the Moon, un hymne à la lune. Merci encore. Alors, on va conclure avec une chanson de notre premier mini-album qui s'appelle On the Way. La chanson s'appelle Ombraraya. Ombre nan di yangan se Ombranayado se Ombranandiyangan se Ombranayado se Ombranandiyangan se Ombranayado se Eirang dangan se Eirang dangan se Eirang dangan se Yera Eirang dangan se Eirang dangan se Eirang dangan se Eirang dangan se Eirang dangan se Eirang dangan se Ombranayado se Ombranandiyangan se Ombranayado se Erang dangan se Erang dangan se Yora Cornicula à CKRL 89.1 et ici en direct à la Korigan. Ils viennent de présenter leur prestation dans le cadre du concours Talent en scène. Je vais demander au jury présent à la Korigan de nous rejoindre maintenant. Je peux vous le dire, ils sont officiellement 3 ici à la Korigan et on a aussi notre metteur en onde Mikey G qui de son oreille d'auditeur va pouvoir juger la prestation aussi puisqu'il n'a pas le visuel, donc il est votre point de vue du côté de la radio également. Et je rappelle que si vous avez aimé ce que vous avez entendu, Cornicula sera en spectacle le 7 octobre au Bal du Lézard, le 23 à la Ninkasi Saint-Jean. Bonjour Jacques Boivin. Salut. Jacques Boivin, fondateur d'écoutedon.ca, blog qui nous parle de la musique émergente à Québec. Est-ce que tu connaissais Cornicula pour commencer? Ben un petit peu, j'avais quand même écouté leur... tu me l'as envoyé d'ailleurs. Donc oui, je l'avais écouté et tout. Donc, l'album, le dernier album? Dernier album, oui, c'est très intéressant. Surtout la forme, justement, comme un côté plus... comme là, on pouvait l'entendre, surtout le côté plus acoustique à quelque chose qui est quand même très rock, là. Je veux dire, on sent l'accent progressif, le gros accent blues rock aussi, on l'entend très bien. Donc, oui, j'étais au courant. T'étais au courant. Et qu'as-tu pensé de la prestation alors? Live, c'était la première fois pour celle-ci. Ouais, la première fois, oui. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Il y avait juste une petite chose. Faites attention à l'équilibre dans le son entre la guitare et la voix parce que d'où j'étais, je veux dire, la balance de son ne changeait pas grand-chose. Le soundcheck n'aurait pas changé grand-chose. J'étais tellement proche que j'entendais ce qui sortait quasiment un peu de micro amplifié, mais j'entendais surtout ta guitare. Puis dans des salles de même où on était à proximité. T'sais, c'est niaiseux, là, c'est un petit détail, mais des fois, ça fait perdre. C'est une voix super intéressante, j'avais de la misère à l'entendre. C'est niaiseux. Là. Question d'équilibre, alors. Oui. On va maintenant prendre les commentaires de Léa Fischer-Albert, directrice du développement et co-directrice générale du Théâtre du Gros Mécano, théâtre jeunesse, mais on est ouvert à tous les arts dans ce concours. Alors, on va y arriver à un moment donné au théâtre, mais ça n'empêche pas d'apprécier la musique également. Bonjour Léa. Allô. Alors, tes impressions sur Cornicula ce soir? Ben moi, je suis entièrement d'accord avec Jacques par rapport à... Je trouve que ce que vous offrez comme musique est vraiment intéressant parce que c'est ça, c'est hyper rock, à la limite un peu métal, progressif, mais très acoustique. Puis vous maîtrisez très bien vos deux instruments, soit la voix et la guitare. Donc, j'ai vraiment apprécié vous entendre. Encore une fois, je suis un peu d'accord avec Jacques par rapport au fait que c'est un lieu qui est quand même un peu difficile à habiter. Puis, il y aurait peut-être une plus grande balance à avoir entre vous deux. L'autre chose aussi que je soulignerais, c'est bon ce que vous faites. Alors, madame, osez, là, on sent que j'avais l'impression que tu te contenais un petit peu dans ton expression, peut-être par gêne ou quoi que ce soit, mais c'est rock, votre affaire, même si c'est acoustique, là. Moi, je suis une fille de théâtre, là, alors l'expression intense et vivante et qui prend toute la place, là, à mon avis, c'est mérité, puis ça mérite d'attirer l'attention du spectateur, finalement. Merci Léa, Fischer-Albert. Et on accueille notre troisième membre du jury. On ne l'avait pas encore présenté. Il était incognito pour le moment. J'étais caché la semaine dernière. J'ai tout entendu, mais je n'ai pas parlé. Exactement. Guy Langlois, bonjour. Bonjour, Jessica Lebé, animatrice. Oui, alors Guy, comédien professionnel, coach d'impro, animateur. On pourrait faire une liste très très longue sur ce que tu fais voilà. À Québec. Tu rejoins le jury de Talent en scène. Oui. Qu'as-tu pensé de la prestation de Cornicula? J'y vais dans le même sens que mes deux collègues. Dès le départ de la première chanson, le coup de guitare est très, très talentueux. Je me sens tout de suite dans un road trip au Texas. Ça m'a rappelé ça dès le départ. Mais dans un road trip un peu intemporel, un peu insensoriel, on pourrait dire. Là. C'est un peu comme si j'étais sur la route et sur l'espace, dans l'espace en même temps. C'était intéressant. La guitare rentre très bien. On a pu l'entendre, mais j'y vais dans le sens de mes collègues où la voix manquait un peu d'éclat. On était un peu dans la retenue. Ça s'est amélioré dans la troisième chanson, To the Moon, où j'ai senti plus de vivacité, plus d'audace dans la performance, dans l'interprétation. J'aurais aimé ça. Retrouver ça dans les autres prestations des chansons. D'ailleurs, vous avez l'air d'avoir un univers bien installé, des textes qui vont chercher assez loin, peut-être dans votre vécu, peut-être dans vos expériences. Je sais pas, j'aurais aimé ça entendre parler de ces textes-là, d'où ils viennent, où on s'en va. Entre les chansons, j'aurais aimé ça qu'on en parle de ces chansons-là, de leur univers, de leur processus d'écriture, etc., etc. C'est toujours agréable, en tant que public, de rentrer complètement dans l'univers d'un artiste en connaissant sa façon d'écrire et sa façon de penser. Si je puis me permettre, c'est dur de parler beaucoup en détune quand on a juste 15 minutes. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, tout à fait. Il y a quand même moyen peut-être d'aller un petit peu plus loin, d'essayer de capter l'attention du spectateur, de nous parler directement. Parce que, comme on dit, je pense qu'on est tous d'accord pour dire, là, vous avez vraiment quelque chose d'intéressant, de singulier à offrir. Puis ça mérite de capter l'attention des gens. Finalement. Puis je voyais sur l'événement Facebook pour vos prochains spectacles, vous avez une facture visuelle intéressante. Il y avait les plumes, il y avait le chapeau. Tout ça. Ce soir, vous avez décidé de vous présenter un peu comme la moitié de votre facture visuelle habituelle, T-shirt et Valérie, voilà, qui est en costume avec ses plumes. Moi, j'aurais aimé ça, voir vraiment le visuel de Cornicula sur scène ce soir. Mais bon, c'est peut-être pour la prochaine fois. J'irai peut-être vous voir à la Ninkasi. Ça serait intéressant. Je vais compléter, merci Guy Langlois, avec les impressions de Mikey G qui lui est du côté donc mise en onde et qui me livre ses impressions par écrit parce qu'on ne l'entendrait pas ici sinon à la Corrigan. Alors Mikey nous dit, ils se font sentir, le plaisir de jouer est là, mais aussi la nervosité. Vous faites penser un peu à du Portishead avec une solide guitare. Et concernant Valérie, il dit que tu brilles dans les graves. Alors voilà pour ces impressions. Je vais peut-être avoir votre réaction quand même. Vous avez été très attentif à ce que vous avez entendu de la part du jury, Valérie. Oui, ben c'est intéressant d'entendre des points de vue différents, vraiment de gens qui ont des horizons variés. Mm-hmm. C'est vrai que bon pour le costume et tout ça, on adapte un peu à chaque circonstance. Et mais c'est vrai qu'on pourrait sortir quand même plus toujours flamboyant et habillé. Ça, là, peu importe le contexte. La fille de marketing en moi a envie de vous dire, c'est votre marque de commerce. Donc, allez-y, lancez-vous jusqu'au bout. Quand on va arriver quelque part, même si on entend peu, on va vous voir, on va savoir que c'est vous. T'sais, lancez-vous, là, c'est une mise en scène aussi, cette histoire-là. Je pense qu'au départ, qu'on a commencé avec le festival Amerganzo, on mettait vraiment, on dirait qu'on a tout mis la gomme en partant. Puis je pense que ça me fait du bien ce que vous dites, parce qu'on devrait peut-être intégrer notre côté théâtral, parce qu'on a commencé complètement comme ça. Ce que je pourrais rajouter ce soir au niveau de la guitare, c'est que, oui, c'est vrai, on n'entendait pas assez Valérie. Puis je pense que dans la sono, j'arrête pas de le dire à chaque spectacle, mets-la fort. Pourquoi? Parce que moi, je peux pas changer mon jeu. Non, toi, c'est vraiment là. Moi, je suis émotif. Faut que ça rentre. Je dégage ça. Je joue de la manière que je joue. Donc, je peux pas jouer moins fort ou... Donc, moi, je pense que ce soir, j'ai donné mon 100%. Là, puis j'ai vraiment... On s'auto-critique toujours. Là, je pense que j'ai livré vraiment une belle performance. Puis je pense que Valérie aussi. Mais si je peux juste finir avec ça, c'est peut-être juste au niveau, justement, peut-être de la balance de son, vu qu'on est à la radio aussi. Mais quoi que, merci beaucoup des critiques. C'est très généreux. Puis merci à Jessica Labbé de nous avoir invités. Ça nous a fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Ben, ça m'a fait plaisir de vous recevoir aussi. C'était le groupe Cornicula. Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance pour la suite du concours Première Vague qui se poursuit jusqu'au 23 octobre. Chers membres du jury, vous restez avec nous. On a une deuxième prestation à compter de 18h30 avec le groupe Aurore. Dans quelques instants, on découvre l'organisme Parenthèse 9. Venez nous rejoindre à la Corrigan 380 rue Dorchester et on se retrouve juste après. Sortie culturelle. Amateurs de cidre, cet événement est pour vous. Le 17 octobre prochain, la Corrigan reçoit Émile Robert de la cidrerie Somnambule. Au menu, 6 cidres artisanaux à déguster tout en apprenant sur le plus qu'intéressant univers de la pomme. De très beaux produits du Québec et d'ailleurs à vous faire découvrir. Mercredi le 17 octobre 18h, 380 rue Dorchester, c'est un rendez-vous. Un atelier, 6 cidres, 25$. Billets en vente au corrigan.ca. Le Théâtre Premier Acte, en collaboration avec la Caisse des Jardins de Québec et le Collectif du Trottoir, présente la pièce « Celle qu'on pointe du doigt ». Ça se lit pas toujours dans notre face, mais quand on les voit, les criminels à TV, ils ont toutes des faces de pas de bon sens. Des dents qui se peuvent pas, des yeux cross-eyed, ben des crânes de macaque. Quoique je peux comprendre que quand t'as été le dernier à piger dans le sac à face, ça se peut que tu sois prédisposé à vouloir sauter un plomb. Mais moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. « Celle qu'on pointe du doigt », du 2 au 20 octobre, premieracte.ca. Puis vous avez l'air loupé. Chez Slam Disc, Slater et Fist. Il faut garder ça simple pour que tout le monde sonne pareil. Il faut que ça soit catchy, rien qui chatouille les oreilles. Découvrez la band de Skorok, Slater et Fist et leur troisième album, Cours d'inconduite. Slater et Fist, disponible partout sur les plateformes en ligne. L'émission de cinéma Situation Critique, c'est 8 chroniqueurs qui se succèdent au micro pour vous parler des films à l'affiche et de l'actualité cinématographique. Situation Critique, chaque mercredi, 18h30, aussi disponible en balado-diffusion. Une présentation du Cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Pêche, programme d'encadrement clinique et d'hébergement, maison de la famille Louis Hébert, Harmonie Montmorency, carrefour d'éducation à la solidarité internationale. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. En septembre, voyez au cinéma Le Clap, Drôle de père dès le 7, The Children Act et Première année dès le 14, La disparition des Lucioles dès le 21, Les abominables petits pieds dès le 28. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! Vous êtes artiste et vous cherchez un nouveau défi? CKRL lance le concours Talent en scène à la Corrigan. Chant, musique, poésie, slam, humour, soyez l'un des 32 artistes à participer à notre concours. vous pourriez gagner un spectacle avec cachet dans la programmation 2019 de la Korrigane, une campagne publicitaire d'une valeur de 1 000 $ à CKRL, une session live enregistrée ou encore une séance photo professionnelle. Inscrivez-vous dès maintenant sur notre site ckrl.qc.ca. Sortie culturelle. Sortie culturelle à la Korrigane vous est présentée en direct du 380 rue Dorchester. Non, j'aime mieux que ça. Je suis un super blaireau et j'en tous les héros. Ouais, je suis un super héros et j'en tous les blaireaux. Yeah. Le groupe français Bang Jack avec Superman ou Batman à CKRL 89.1, pardon, de quoi nous plonger dans l'univers de la bande dessinée, par exemple. Vous êtes dans Sortie culturelle à la Korigane, venez nous rejoindre, 380 rue Dorchester, c'est votre rendez-vous avec CKRL, avec les artistes d'ici aussi. Et on vous présente également dans cette émission des organismes culturels que CKRL soutient, mais mutuellement, on se soutient à travers des événements qu'on vous présente en ondes. Aujourd'hui, on parle de Parenthèse 9, organisme qui fait sortir la bande dessinée de ses planches pour la mettre en scène dans différents événements, différents spectacles. Pour vous en parler aujourd'hui, je suis avec Francis Desharnais, membre du conseil d'administration, fréquent collaborateur, scénariste des chroniques de Montcalm qu'on peut apprécier en ce moment sur l'avenue Cartier, dernier jour d'ailleurs. Bonjour Francis. Bonjour. Francis, raconte-nous un petit peu Parenthèse 9. Oui, l'objectif est grand, hein. La bande dessinée, on a l'habitude de la lire dans son coin dès le plus jeune âge, mais là, l'idée, c'est d'en faire des événements fédérateurs. Oui, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte assez rapidement que le dessin et la bande dessinée pouvaient se jumeler avec d'autres types d'art, d'autres formes d'art, notamment avec avec l'aide des nouvelles façons de projeter ou de filmer et d'avoir un projecteur, tout ça, on pouvait accompagner plusieurs formes d'art, notamment la musique. On pouvait dessiner en même temps qu'un groupe ou des musiciens jouaient. Puis on s'est rendu compte qu'on pouvait pousser ça un peu plus loin. Et c'est comme ça qu'un peu que Parenthèse 9 est né. On a commencé avec notre premier événement, on mélangeait la danse swing et le dessin. Et la musique. Donc, déjà, on accompagnait les danseurs dans les prestations qu'ils faisaient. On pouvait influencer leurs pas et eux pouvaient influencer notre dessin. Donc, on essaie toujours, par nos événements, de faire qu'il y ait une influence mutuelle entre les différentes formes d'art. Avec les années, bien, on en a fait de toutes sortes. On en a fait avec de l'art audio. On a fait des conférences dessinées aussi avec où on accompagnait des historiens. Ça, c'est génial pour illustrer un propos. Là, dans les dernières conférences que vous avez faites, l'histoire de la bière, par exemple, qui intrigue tout le monde, oui. Bien sûr. Eh bien, vous dessinez cette histoire-là. Oui, bien, c'est ça. Ça permet de vraiment accompagner un propos qui autrement... pourrait être un peu plus durable, je dirais, dans le sens où, on a l'habitude de voir des photos ou des PowerPoints, des trucs comme ça dans des conférences, mais d'avoir quelqu'un qui dessine live, où on voit le dessin se former, ben ça ajoute quand même une touche plus chaleureuse, j'ai envie de dire, et puis qui peut rajouter une émotion qui n'est pas forcément dans le propos, notamment pour une conférence historique comme ça. Vous êtes marié avec tous les arts. Moi, j'ai vu du cirque, de la littérature, de la poésie. Quels arts vous n'avez pas encore touché? Vous vous dites, il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans. Est-ce que c'est arrivé? C'est sûr. C'est juste qu'il faut les connaître, en fait. Faut y penser, faut y réfléchir. Il y a peut-être la danse contemporaine, moi, personnellement, que j'aimerais qu'on essaie de toucher d'un peu plus près. Mais c'est sûr qu'il y a plein de... Tu sais, peut-être l'aspect conférence aussi, je trouve ça très intéressant. Je pense qu'on a fait des... si je me souviens bien, on avait fait aussi avec des conférences plus scientifiques. Donc ça, c'est un aspect aussi qui peut être ben le fun. Et là, en ce moment, vous proposez une expérience qui sort de l'ordinaire aussi, puisque ça se passe en extérieur, sur l'avenue Cartier, dans le quartier Montcalm. Les chroniques de Montcalm, justement, une BD en réalité augmentée. Tu as été scénariste pour ce projet. Raconte-nous comment c'est né. Oui, ben en fait, c'est qu'il y a un des collaborateurs de Parenthèse 9 qui s'appelle Benoît Duinois et qui travaille beaucoup dans les nouvelles technologies. Puis il nous a parlé de la possibilité de faire des bandes dessinées en réalité augmentée. Juste pour être sûr qu'on parle de la même chose, souvent c'est quand on va regarder avec l'aide d'une tablette ou d'un téléphone intelligent qu'on va regarder une œuvre d'art, mais avec l'application adéquate, ben il y a des images, il y a des choses qui apparaissent en plus de l'image. Donc, qui peut donner des niveaux supplémentaires à l'œuvre. Donc, le panneau est présent sur l'avenue Cartier. Il y en a 8. Mais oui. Grâce à un téléphone, une tablette, quand on le superpose sur ce panneau, il y a des choses qui s'animent. Il y a l'image qui bouge, finalement. Oui. Ben en fait, pour ce qui est des chroniques de Montcalm, c'est carrément la suite de l'histoire. C'est-à-dire que physiquement... cloué sur un mur, accroché sur un mur, il y a un panneau réel d'une bande dessinée, d'une planche. Et puis, quand on va télécharger l'application Cartier BD sur le Apple Store ou le magasin Android, là, je me rappelle plus du nom, ben, quand on active l'application et qu'on regarde la planche avec le téléphone, eh bien, on a la suite de l'histoire. Et puis, ce qui est super avec ce principe-là, c'est que moi, comme scénariste, j'étais pas limité par le nombre de planches. J'avais une planche physique. Ce qui est votre contrainte habituelle, oui. Ben oui, exactement. Mm-hmm. Alors que là, on s'est quand même limité parce que faut pas. Ça dure pas des heures. Ça dure pas des heures. Et puis, si moi j'ai des idées, après c'est les dessinateurs qui travaillent plus. Mais bon, c'est quand même à peu près limité. Mais quand même, ça donne une idée de l'ampleur que ça peut éventuellement prendre. Donc ça a été vraiment une belle expérience pour essayer justement une façon de faire sortir la bande dessinée de son cadre habituel. Mais pour les chroniques de Montcalm, vous vous êtes inspiré de l'histoire du quartier en imaginant des résidents, en fait, du quartier Montcalm. Ça. Oui, en fait, nos deux personnages principaux, c'est un homme et une femme qui chacun ont leur vie. Et puis sur chaque panneau de départ, eh bien, on voit un peu une ébauche d'histoire de l'homme et de la femme. Parfois, ils vont se rencontrer, mais pas forcément. Et puis ensuite, chacun de leur côté, leur histoire se continue. Puis les histoires peuvent être aussi... Ça peut être très terre-à-terre comme l'histoire d'une femme qui cherche son chat, que son chat s'est échappé. Ou ça peut être carrément plus fantaisiste où le quartier Montcalm devient une espèce de jungle amazonienne où il y a des génies qui réalisent des souhaits, des trucs comme ça. Donc on s'est vraiment éclaté à aller dans toutes sortes de directions. Pour les dessinateurs, on va les mentionner d'ailleurs, Bach, qui vous accompagne dans ce projet, et Julien Dallaire-Charest. C'est pour ça que je ne suis pas étonnée d'entendre parler de chat quand il y a Bach. Quand il y a Bach, il faut qu'il y ait un chat. Forcément. Pour installer cette BD en réalité augmentée sur l'avenue Cartier, il a fallu avoir le soutien de la SDC Montcalm, par exemple. C'était nécessaire? Oui, en fait, ils nous ont... c'est grâce à eux si on a pu avoir des espaces... Pour pouvoir accrocher ça. C'est eux qui savaient où on pouvait les installer pour ne pas nuire aux commerçants. Donc, c'est grâce à eux si les panneaux ont pu être accrochés. Et puis, ils ont fait beaucoup de promotions, ce qui fait que ça a quand même bien marché. Le lancement a super bien été. Puis, on en a parlé quand même pas mal de ce projet-là. Vous avez une façon de mesurer, quelque part, l'intérêt avec le téléchargement de l'application aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc ça, c'est des données différentes pour vous? Des données? Dans le sens que c'est on n'a pas l'habitude, puisqu'habituellement, vous êtes sur scène, vous êtes en salle de spectacle, dans des musées, des choses comme ça. Donc, c'est différent. Oui, c'est ça. Oui, exactement. C'est une autre façon de savoir s'il y a un intérêt, là. Alors, c'est jusqu'au 30 septembre que vous pourrez apprécier ces 8 panneaux disséminés sur l'avenue Cartier entre Crémazie et Grande Allée. Il faut télécharger cette application. Donc, on trouve en tapant Cartier BD. Quartier BD en un mot. Quartier CAR. CAR, oui, bien sûr. Évidemment, pour faire référence à l'avenue Cartier. Qu'est-ce qui s'en vient pour Parenthèse 9? Vous n'avez encore rien annoncé comme prochain événement, mais je sais que vous travaillez tout le temps sur de nouvelles idées. Oui, c'est ça. Notre directeur, Raymond Poirier, est quelqu'un d'assez... une mitraillette à idées. Donc, en fait, on attend un peu de voir qu'est-ce qui va sortir de ces différentes propositions-là. Ah oui, c'est vrai, il m'a dit que les chroniques de Montcalm allaient être présentées à Angoulême et à Nantes cet automne ou au printemps. Donc ça va voyager, on va pouvoir, les Français vont pouvoir visiter Montcalm sans même se déplacer à Québec, oui, d'une certaine façon. Oui, oui, oui. C'est intéressant de voir qu'un tel projet peut voyager à l'international aussi. Vous avez une page Facebook, c'est pas mal là aussi que vous annoncez vos événements. C'est là qu'on annonce les événements, oui. On peut être membre aussi de Parenthèse 9? Non, en fait, il n'y a pas un membership là, d'ouvert. C'est une petite association, un petit conseil d'administration qui gère les projets. Et donc, une programmation certainement à venir pour l'automne-hiver. Oui. Vous annoncez ça quand? Prochainement, j'imagine. Il faut qu'on se rencontre là avec Raymond pour déterminer tout ça. Parenthèse 9, parenthèse au pluriel, si vous voulez les suivre sur Facebook, sont également bien présents sur Twitter, si vous voulez tweeter avec eux sur la bande dessinée. Raymond Poirier, également animateur de La Vie en BD à CKRL, je le rappelle, le vendredi de 17h30 à 18h30 sur les ondes de CKRL. Francis Desharnais, merci beaucoup. Ben, merci à toi. D'être venu nous voir. Et on attend avec impatience donc les prochains événements de Parenthèse 9. D'ici là, allez visiter les Chroniques de Montcalm. On continue en musique. Tout nouvel extrait musical qui est paru hier. Jordan, que vous avez pu découvrir dans la voix, mais nous on la connaissait bien avant, notamment avec son projet Tous Azimuts, vient de sortir son premier extrait en solo. On l'écoute tout de suite. Voici Regardez Devant. Sur le bord de la mer, mais on m'a dit que c'était pas assez. On a roulé juste pour sommet des montagnes. Je pensais pas me tromper. Si l'amitié et l'amour se mélangent, j'avoue m'être égaré, m'être égaré. Qu'on enterre mon père, c'est là qu'il faudrait récolter. J'aimerais te donner rendez-vous pour un verre dans une auto louée. Si jamais je perds la carte, dis-moi par où aller. Par où aller, qu'est-ce qu'on tout est fragile, mon dessin. Recoller la vitre, c'est pas facile, mais on en est conscient que ça n'a plus de bon sens.

la formation continue du Cégep de Sainte-Foy. Nous éclairons, vous brillez. La 28e édition des Rendez-vous Estrade de Québec du 4 au 8 octobre dans plusieurs salles de la ville. Mettant en vedette, entre autres, Yves Lambert Trio, les chauffeurs à pied, ainsi que des artistes de la Bretagne et du Pays Basque. Ce sont plus de 40 artistes porteurs de tradition qui se joignent pour offrir 5 jours de musique traditionnelle. Au programme, activités familiales, concerts, ateliers, lancement d'albums, veillées de danse traditionnelle, randonnées chantées, joutes chantées et jams de fin de soirée. Découvrez toute la programmation sur estrade.qc.ca, un festival qui présente une vision contemporaine des traditions musicales d'ici et d'ailleurs. À découvrir cet automne au Palais Montcalm Maison de la Musique, le virtuose de la contrebasse Petros Klampanis le 18 octobre, la brillante chanteuse jazz Elizabeth Shepherd le 26 octobre et encore du jazz avec la talentueuse chanteuse canadienne Holly Cole le 3 novembre. Découvrez la programmation complète au palaismontcalm.ca. Le Palais Montcalm, la musique à son meilleur. Sortie culturelle. Sortie culturelle à la Corrigan vous est présentée en direct du 380 rue Dorchester. De retour dans Sortie culturelle à la Corrigan, deuxième heure. Jessica Leb, toujours avec vous. C'est le temps de nous rejoindre au 380 rue Dorchester si vous voulez apprécier les prestations sur place, directement, plus près des artistes. Je rappelle aussi que dans la prochaine heure, on recevra Gab Paquette, le chanteur de charme, juste pour nous, ici, en tête à tête. Ça va être tellement beau. Avec une toute nouvelle chanson aussi qu'il fera paraître, j'espère, sur son prochain album. Il travaille là-dessus. Chronique Cidre aussi avec la Corrigan dans quelques instants qu'on dégustera. Mais avant cela, nous accueillons notre, alors, troisième candidat de la sélection officielle de Talents en scène, le deuxième ce soir, Philippe Bourque. Que pour Aurore. Bonjour Philippe. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. J'ai un beau gros rhume depuis hier, mais à part ça, tout va bien. Et j'ai pris mes même. Pilules là, tout va bien aller. Mais tu es venu quand même. C'est ça la vie d'artiste qui est oui, incroyable parfois. En effet, on n'a pas le congé maladie là pour les concours et les prestations, les spectacles. Alors Philippe, Aurore au départ, c'est la poésie d'Émile Vigneault mêlée à ta musique, à ton interprétation aussi. On t'a connu, on va tout de suite rétablir les faits. On t'a connu avec d'autres membres. Mais cette fois, c'est en version solo que tu te présentes. Absolument. Lorsque le projet démarrait, l'objectif était de devenir une espèce de big band là, avec 6-7 musiciens. Moi, plus je peux en avoir, mieux je me porte. Et dernièrement, on a décidé de réorienter le projet un peu. Donc maintenant, Aurore, ça va être la poésie d'Émile Vigneault mise en musique et interprétée par Philippe Bourque. Et j'espère de tout cœur, à chaque spectacle, aller chercher le plus de collaborateurs possible dans les milieux acoustiques. J'aimerais bien toujours avoir les cordes avec moi dans les bars spectacles, la batterie, la basse. C'est oui, l'objectif. Parce que parmi tes collaborateurs, on a pu avoir un violoncelliste, une violoniste aussi. Donc les cordes sont très importantes dans ce projet. Qu'est-ce que t'aimes particulièrement? C'est toujours beau, là, mais toi, la particularité d'avoir des cordes dans un projet musical? Moi, je suis plutôt mélomane dans la vie, donc j'écoute vraiment pratiquement de tout. Un peu moins de métal en vieillissant, mais quand même, j'en écoute encore. J'aime beaucoup le classique, j'aime beaucoup le jazz, j'aime beaucoup la grande chanson. Et c'est quelque chose qu'on entendait beaucoup auparavant, les années 60, 70. J'entendais un luthier dire dernièrement... J'avais plus d'ouvrages avant parce qu'avant, tout le monde voulait des orchestrations, tout le monde voulait des cordes dans leurs chansons. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a un petit retour de ça quand même. On en entend un peu plus que dans les années 90-2000. Et moi, c'est quelque chose que je chéris beaucoup. Quand je compose au piano, j'entends déjà un orchestre complet. Mais ah bon, oui. voilà. Il y a des questions de budget aussi voilà. quand même. ça joue beaucoup, ça, sur un projet musical. On peut avoir les envies les plus folles, les plus créatives, mais si on ne peut pas se payer les cordes, on ne peut pas se payer les cordes. Absolument. La musique, je crois, c'est... Moi, je viens d'un autre domaine. Je suis ingénieur informatique. Et je peux vous le dire, la musique, c'est l'endroit où on fait le plus avec le moins. C'est incroyable, la quantité de choses qui peuvent se faire avec les moyens de bord, comme on dit, là. Puis, effectivement, ça serait le fun d'avoir accès à des orchestres complets, mais bon, pour ça, on va espérer faire des tubes. Mm-hmm. Ou des grandes tournées. Mais parlons-en des tournées, parce que quand même, là, avec Aurore, vous avez fait, tu me disais, 20 à 25 spectacles. Oui, cette année, un peu ouais. Partout au Québec. Oui, on s'est promené. Nous, on adore aller dans l'est du Québec. On est allé dans le Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord beaucoup, un peu au Saguenay. Et on a eu la chance cette année aussi d'aller en Estrie, à Montréal, Trois-Rivières. Puis c'est quelque chose qui est le fun d'année en année de bâtir autour de la tournée. Puis, comme on dit souvent en musique, il n'y a pas de recette. Il y en a que ça va être les concours, il y en a d'autres que ça va être la télé ou un tube ou... YouTube, ouais, pourquoi pas. Moi, je crois que la tournée, ça peut être un autre moyen de se faire connaître. Il y a déjà un premier album qui est paru pour Aurore, où on entend donc autant les chansons, les compositions, mm-hmm. mais aussi la poésie d'Émile Vigneault. Absolument. Sans musique. Oui, à cappella. Ça, je dois le dire, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé cette partie-là. C'est comme des petites bribes de poésie, oui, qu'on nous met à l'oreille. Comment tu travailles avec Émile Vigneault? Parce que bah, lui, il signe les textes. Mm-hmm, absolument. Toi, tu accompagnes la musique. J'imagine, oui, qu'il n'y a pas de sens sur dans quel ordre ça naît. Au départ, moi, je cherchais un auteur. Émile cherchait un compositeur. Donc, ça a bien marché. Émile avait beaucoup de textes. Donc, j'ai eu une grosse période de production là, pour m'arrimer avec tous les textes qu'Émile avait écrits. Maintenant, dans les dernières chansons, je dirais que c'est moitié-moitié. Parfois, Émile m'arrive avec une idée toujours fabuleuse, évidemment. Et mon côté, parfois, ça m'arrive aussi de composer une chanson, faire le la-la-la et lui écrire ce que j'ai en tête. Et bon, moi, je lui envoie un brouillon de 1000 mots et il me revient avec un poème sublime de qui fit parfaitement sur la chanson. C'est assez incroyable à chaque fois de voir la minutie qu'il met sur chacun de ses textes. Est-ce que Émile est basé à Québec aussi? Oui, absolument. En fait, tous les collaborateurs d'Aurore sont à Québec. Donc, c'est parce que pour vous demander si vous travaillez à distance également ou si vous vous voyez à chaque fois pour créer. Nous, de la façon qu'on a fonctionné, surtout au départ, pendant pratiquement un an, il n'y a pas vraiment eu de concerts, d'albums ou d'autres choses. C'est ce que j'appelle les pérégrinations des débuts d'Aurore. C'était beaucoup l'important pour nous, c'est discuter, puis de trouver un consensus dans nos idées, dans nos valeurs, dans le message qu'on veut partager aussi. Le groupe Aurore a changé, mais la démarche artistique, elle, reste la même intégralement. J'ai pas changé aucun mot. Aurore, pour moi, ça reste les premiers rayons de soleil, ça reste un message d'espoir qui se veut un refus au cynisme. Et c'est comme ça qu'on travaille, moi et Pierre-Miel. On veut toujours apporter un message d'espoir et de bonheur. C'est vrai que rien que le nom, c'est poétique, Aurore. Alors, Philippe Bourg, on va t'écouter au piano, seul. Je te laisse t'installer pendant ce temps-là. Pardon. Je rappelle que si vous voulez suivre Aurore, avec un tout nouveau visuel d'ailleurs, hein, qui vient de paraître sur la page Facebook, c'est tout simplement Aurore QC. Si vous voulez les trouver, hein, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Aurore sur Facebook, donc Aurore QC pour être sûr de trouver la bonne page. À suivre aussi peut-être pour des prochains spectacles, un album qui est d'ores et déjà disponible et qu'on fera tirer ce soir après l'émission, puisque Aurore nous a apporté un album pour le public ici. D'ailleurs, venez nous rejoindre au 380 rue Dorchester. On est dans le quartier Saint-Roch. On déguste de la bonne bière et bientôt du cidre de la Korrigan. Je laisse donc 15 minutes totale liberté à Aurore. Approprie-toi le public. Partez le chrono. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Philippe Bourg et comme a dit Jessica, je vous présente trois pièces ce soir d'Aurore. Aurore, c'est tout d'abord la poésie d'Émile Vigneault que j'ai la chance et l'honneur, l'immense honneur de mettre en musique. Les textes à Émile sont pas nécessairement les plus faciles à comprendre du premier coup, mais à chaque écoute, on découvre de quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. Ça vaut la peine de les entendre. Hier, j'écoutais... Qu'est-ce qu'il y a de beau aussi avec la poésie d'Émile, c'est qu'il y a un grand message d'espoir là-dedans. Et l'espoir en ce moment, je pense que c'est quelque chose qui est important d'entendre. Il y a beaucoup de cynisme en campagne électorale en ce moment. Et comme s'il n'y avait pas d'avenir pour demain. Pourtant, j'écoutais un documentaire hier avec Gérard Godin qui disait quelque chose de vraiment beau. Il disait... Pour décider de notre avenir, il faut rêver aujourd'hui. Le premier texte d'Émile que je vous présente, il parle de la dernière grande lutte sociale au Québec, le printemps érable. Avec l'amour de choix, se faire avec une main perdue de manteau de doigts sales, pour abrier les rues des points de ses vestales. Thank you. parlant de la dernière lection, on a pas mal... les pellules font effet. Vous allez. On a parlé pas mal d'immigration, mais on n'a pas parlé beaucoup des réfugiés. Réfugiés, on a souvent l'image des radeaux pleins à craquer à l'étranger. Mais un réfugié, ça peut être tout près de soi aussi. Ça peut être quelqu'un qui a perdu sa job, sa blonde, son chum. Juste quelqu'un qui est dans une mauvaise passe. L'important avec les réfugiés, c'est pas de savoir d'où ils viennent. L'important, c'est de prendre soin d'eux, tel quel. Ne pas mourir, tuer les murs du bout des doigts, percer le ciel avec les yeux, regarde encore. Chaque étoile s'abreuve à l'espoir d'un marcheur qui fixa tant et tant la noirceur des confins, que ce très long regard y fit naître une fleur, qu'au firmament tout noir flambe un tout petit point. Ne pas mourir, tuer les murs du bout des doigts, percer le ciel avec les yeux, regarde encore. Chaque étoile s'abreuve à l'espoir d'un marcheur. Il y en a tant et tant qu'on ne sait les compter, comme les passants nombre au jardin des ferveurs. Et elle brûle aussi pour ceux qui sont tombés. Ne pas mourir, tuer les murs du bout des doigts, percer le ciel avec les yeux, regarde encore. Chaque étoile s'abreuve à l'espoir d'un marcheur. Pour chaque enfant qui tremble, un astre s'illumine. Entre Alep et Munich, d'Asmara à Honfleur, au secret des radeaux, la voie lactée chemine. Ne pas mourir, tuer les murs du bout des doigts, percer le ciel avec les yeux, regarde encore. Mossoul, Kabouk, Québec, Mississauga, Moria, Calais, Beauport, Hochelaga, ici ou ailleurs, la nuit est de toi. La nuit est de toi. Merci. Jessica a parlé de tournée tantôt. Moi, je viens de Québec, j'adore Montréal, j'adore les grandes villes, mais une fois de temps en temps, j'ai besoin de sortir, prendre l'air, purifier mes poumons de la White Birch, l'incinérateur, puis du port de Québec. Mais aussi pour m'émerveiller de la beauté du Québec. Moi, ce que je préfère, c'est aller vers l'est du Québec. C'est mes régions préférées. J'ai rien contre Gatineau ou l'Estrie, là, ou encore moins l'Abitibi. Mais moi, quand j'arrive à Rivière-du-Loup ou à Tadoussac, je trouve ça tellement beau. J'aimerais ça que ça reste comme ça. Thank you. rouler vers l'est, marcher vers l'est, courir vers l'est, jusqu'à percer au blanc sablon. J'ai des ailes pour l'océan et mes yeux percent les montagnes. Me diras-tu, Montréal, comment sortir de ton ventre? Ce que me veulent la route, ce que me veulent les bois. Je suis comme une fleur en cage, rouler vers l'est, aimer vers l'est, crier vers l'est, jusqu'à Gaspé ou blanc sablon. Si la marée a le bras long, j'attends sa main pour qu'elle m'emporte. Jusqu'aux origines du désir, je fuis vers moi-même et parfois je me demande si ces points que vous devenez loin derrière moi ne sont que rorqual attentif à deviner au bord de l'œil, à chercher comme les perséides. Suis un orphelin du large, cogné vers l'est, aimer vers l'est, tomber vers l'est, jusqu'à percer le blanc sablon. À côté sur la grève, je suis un autre coquillage, vidé de son nom. Peut-être qu'un Bernard l'ermite viendra me prendre comme scaphandre. Peut-être que la marée haute à son heure m'emportera. Je suis encore debout sur l'aube face à la ville. Une tache au milieu du matin, un bois de marée centenaire, une pierre perdue dans un jardin, un pied de vent éphémère, un homme de trop pour l'horizon. Je suis le musicien des marges. Alors j'embrasse doucement la mer. Je retourne à mes affaires. Et je retourne à mes affaires. Projet solo de Philippe Bourque pour ce concours Talent en scène. 15 minutes à lui seul qu'il a su occuper ici à la Korigane. Pendant ce temps, le jury me rejoint pour donner ses impressions à Philippe Bourque. Je rappelle que le jury composé de Jacques Boivin d'Écoutedon.ca, Léa Fischer-Albert du théâtre du Gros Mécano et Guy Langlois. Je le dis, il y a une liste folle d'occupations. Animateur, coach d'impro, comédien professionnel également. Mais tiens, Guy, on va commencer avec toi pour ses impressions sur Aurore. Eh bien, très bonne prestation, très magique aussi. Il y a un professionnalisme qui se dégage de cette... Même si ma pédale a cassé. Oui, oui, tout à fait. Non, non, ça, on ne parle pas des problèmes techniques ou quoi que ce soit. On parle du feeling, on parle de ce qui ressort de ta prestation. Il y a un professionnalisme, il y a un charisme aussi avec ta présence sur scène qui est vraiment non négligeable, qui est très intéressante. J'imagine qu'avec les orchestrations, avec des cordes, ça doit être encore plus grandiose. Ça doit être encore exponentiel. Oui, ça doit être extraordinaire. Moi, je suis un fan d'orchestration. J'aime les gros orchestres, j'aime les cordes, comme tu expliquais tout à l'heure. Donc, c'est sûr et certain qu'avec des cordes et autres musicalités du genre, ça irait me rejoindre. Moi, très personnellement, je suis pas, je suis assez cynique dans la vie et j'entends bien le rester. Donc, des textes un peu plus doux, un peu plus positifs, tout ça. Moi, ça vient moins me rejoindre, mais en même temps, je peux pas me baser uniquement là-dessus pour les besoins du concours. Je pense que l'interprétation, puis ce que tu dégages, puis le professionnalisme, puis le talent avec lequel tu joues ton instrument, ça vient contrebalancer fortement, violemment, ce côté-là. Écoute, c'est l'objectif. Et positivement. Hein, c'est l'objectif. Voilà. Oui. Merci, Guy Langlois. L'afficheur Albert du Théâtre du Gros Mécano, tes impressions sur Aurore ce soir? Ben c'est vraiment, vraiment un duo. Bon, Émile n'est pas là, mais on le sent très présent dans les textes. Puis clairement, vous avez une synergie, une cohésion. Aurore ne peut être ni l'un ni l'autre, c'est vous deux, clairement. Moi, j'ai également adoré la prestation. Tu as une énergie sur scène, une passion qui sent énormément, puis qui réussit à capter toute l'attention. Moi, ce que j'aurais aimé, et c'est une suggestion que vous le faites peut-être dans d'autres contextes, là, mais comme justement la poésie d'Émile Vigneault est très présente, je pense que ça serait gagnant dans un spectacle d'avoir et la musique et des textes lus à la manière poétique. Je sais que Léonard Cohen le faisait dans ses spectacles, puis ça me fait penser à ça un peu, de mettre en valeur la poésie par la musique. Tu le fais excessivement bien, mais c'est aussi intéressant de peut-être l'entendre à part un peu comme sur... le disque, justement. Mais sinon, honnêtement, le show must go on, ça a à peine paru. Je me suis demandé pourquoi tu débranchais ton fil à un moment donné, mais je me suis pas trop posé de questions. Vraiment, une prestation exemplaire, considérant le contexte et tout ça. On y a vu qu'il y a du feu, en effet. Bonjour, Jacques Boivin. Ben, ça fait quand même 2 mois que je ne l'ai pas vu. Fait que... oui, ben, Jacques Boivin qui couvre la scène locale à Québec. Donc, Aurore, tu connaissais d'avance aussi. Oui, je connaissais aussi, déjà d'avance. Moi, j'ai vu la version plus orchestrale, on pourrait dire, là, plus arrangée. Mais sérieux, cette mouture-là, piano-voix, juste les textes, les paroles et la musique, là, vraiment à l'état brut, ça vient me chercher, là. Parce que tu as déjà une très bonne présence sur scène, ça je le savais déjà, mais là tu défends ça tout seul, tu es assis au piano, c'est vraiment pas évident là, quand même attirer l'attention assis au piano. C'est comme, j'aime bien rire bien souvent des gens qui jouent de la guitare les yeux fermés en chantant du folk, mais attirer l'attention quand tu es tranquille, immobile, tu dois avoir quelque chose, ben c'est ça, il y a le charisme qui sort, il y a l'interprétation aussi quand même, je veux dire, tu as les yeux ouverts, tu regardes, tu te promènes, tu balais la salle. Tu fais attention, il y a un contact qui se fait très bien. Là, évidemment, je parle de trucs techniques, mais sur le plan de la musique, écoute, les paroles, la voix, la musique, tout ensemble. Parfait. Non seulement ton piano prend toute la scène, mais toi aussi, et c'est une bonne chose. Ben, je mise beaucoup sur la coiffure là, pour attirer. C'est bien, ça prend de la place. Et le bleu qui commence à ressortir dans la tenue de scène oui, aussi. Oui, en fait, j'incarne 3 symboles québécois aujourd'hui. J'ai le foulard de mon arrière-grand-père qui était bûcheron. J'ai le symbole du oui, son moi, de 1980, et puisque je coule du nez, ben, c'est le printemps. Voilà.

Théâtre Petit Champlain, Salle Albert Rousseau, Association pour la défense des droits sociaux Québec Métro. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Sortie culturelle. Sortie culturelle à la Corrigan vous est présentée en direct du 380 rue Dorchester. Ça fait plaisir quand je paye les consommations. Ça fait plaisir quand je paye les consommations. Ça fait plaisir quand je paye les consommations. Ça fait plaisir. Les verres d'oreilles de Gab Paquette avec consommation à CKRL 89.1. C'est exactement là qu'on s'en va avec la Corrigan. Vous êtes toujours dans Sortie culturelle, émission qui se déroule à la Corrigan jusqu'à 19h30. Jessica Leb, avec vous, c'est la portion dégustation avec un employé de la Corrigan. On reçoit tout de suite Pierre-Anne Saint-Jean. Bonjour Pierre-Anne. Allô, ça va bien? Ça va bien et toi? Ah, tellement bien, là. Là, on est dans mon élément. Dans un de tes produits favoris, puisque tu nous présentes aujourd'hui un cidre houblonné. Exactement. Donc là, on va faire un petit lien. On reste dans le côté bière un peu, puisque le houblon est traditionnellement utilisé dans la bière. Mais là aussi, on s'amuse. Ici, on l'a dans un produit que j'aime beaucoup, donc dans un cidre, qui nous vient de la cidrerie Le Somnambule à Saint-Henri-de-Lévis. Donc, magnifique entreprise, deux jeunes gens très formidables. On parle de Ève Larouche, La Liberté, et Émile Robert. Ils sont tellement sympathiques, ils sont tellement créatifs. Dans le fond, ils ont repris une cidrerie qui était très traditionnelle, Verger Casabreton, puis ils en ont fait quelque chose de très nouveau. Ils ont apporté un côté très artistique, très imaginatif. C'est vraiment bien, là. Donc, ils ont de très beaux produits. Comme mais celui-ci. Même dans les bouteilles, hein, dans le visuel, on est loin du cidre traditionnel qui fait très mignon avec la petite pomme de l'automne. Là, on est vraiment dans des étiquettes dignes de bière de microbrasserie. Oui, bien, exactement. Bon, ils font appel à plusieurs artistes de la ville de Québec et des environs, en fait, comme celui-ci. Dommage que vous ne pouvez pas le voir, mais on pourra peut-être mettre une petite photo. C'est Rémi Pelletier qui a créé l'étiquette de celui-ci de l'Indomptable, donc un magnifique loup. Très artsy, c'est vraiment beau. Alors, tu pouvais en choisir 10 000 là, dans les cidres de la cidrerie Le Somnambule, mais tu as choisi l'Indomptable, donc le cidre houblonné. Ben, c'est un nouveau produit, donc on vient juste de le découvrir. Mais en fait, pour ma part, je viens de le découvrir, donc je trouve que c'est un très beau produit. C'est un cidre de fermentation spontanée, donc avec des levures sauvages, un cidre qui est très fermier, un cidre qui rappelle un peu plus les cidres européens. Donc, on y va dans un plus dégustation aussi, légèrement acidulé. On goûte très bien la pomme, très mûre, petit côté résineux. Le houblon est très bien intégré, sans trop cacher le goût de la pomme, ce qui est intéressant. Donc, ça se mélange super bien. C'est pas trop amer non plus, donc on a encore la belle acidité. C'est super bien balancé. Puis en plus, ce qui est intéressant, ben on sait que j'aime beaucoup le Made in Québec, le local, le 100% local. Donc, les houblons nous viennent de la Beauce. Donc, c'est du Centennial de nos chers Jarret Noir, une entreprise qu'on aime aussi beaucoup. Donc, on fait un parallèle avec beaucoup d'amis du domaine. Donc, c'est le fun aussi. Donc, on reste dans le Québec. Alors, j'ai envie de demander à Guy et Léa, membres du jury pour Talent en scène, qui sont restés avec nous, là, ils n'ont pas eu le choix, pour déguster le cidre Indomptable de la cidrerie Le Somnambule. Qu'en pensez-vous? On est habitué au cidre très sucré au Québec. Là, on change d'univers, Guy. Oui, bien, on est habitué au cidre sucré, mais de plus en plus, je pense que la tendance est au cidre sec, qui est un beau virlang aussi, cidre sec. Ça, c'est une fois suite. Oui, le nez, en tout cas, moi, avoir le verre devant moi en ce moment, le nez est très présent, très agréable. Et la première gorgée, elle étonne. Parce que habituellement, on est habitué au cidre, un peu plus doux, plus sucré. Et puis là, on est dans un autre univers. On est dans un univers plus bière, plus amer aussi un peu. Donc la première gorgée, on se demande. En tout cas, moi, dans mon cas, je me suis dit, est-ce que j'aime ça? Puis ça m'a pris une deuxième gorgée pour me confirmer que oui, j'aime ça, finalement. Oui, ben les levures sauvages sont devenues vraiment populaires. En fait, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas faire au Québec dernièrement. Donc là, il y a une nouvelle loi qui est passée. On peut imiter nos amis de l'Europe. Donc, c'est comment ça fonctionne, en fait, c'est que c'est la fermentation qui est spontanée. Donc, on n'ajoute pas de levure à l'intérieur. On vient utiliser des levures qui proviennent de l'air. Donc, on utilise des cuves qui sont ouvertes. Et on vient comme... Selon l'environnement où on est, ça va apporter vraiment un goût totalement différent puisque ça va être des levures ambiantes selon les plantes qui sont dans le paysage. Si on est en Europe, par exemple, en Belgique, je pense à Cantillon, qui est une de mes brasseries préférées au monde, qui, eux, ont vraiment... Tout est ouvert, ça se passe dans une grange, ça a l'air vraiment insalubre comme ça, mais c'est ce qui fait que c'est l'air ambiant qui donne le goût unique qu'on ne peut pas retrouver nulle part. Au Québec, c'est beaucoup plus contrôlé. On s'inquiète pas. La MAPAC est vraiment comme rentrée dans le processus. Mais on utilise vraiment la nature à 100%. Donc, on n'ajoute pas à l'intérieur. C'est les levures qui sont dans l'air ambiant. Ça nous brasse un peu dans nos conventions de cidre qu'on connaît bien. La seule petite chose, j'ai trouvé l'interprétation au piano de ce cidre un peu rudimentaire, mais je vais lui quand même donner un 8 sur 10. Tiens. Merci, Guy. Ouais, on vous fait juger tout un tas de choses dans cette émission. Léa, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce cidre l'Indomptable? Ben moi, en fait, je suis émerveillée actuellement. C'est en plein dans mes cordes, ce genre de cidre-là. D'un, c'est complètement hors norme comparé à ce qu'on boit habituellement. On est loin du cidre qu'on achète à l'épicerie ou du mou de pomme là, t'sais, qu'on prend sans alcool. En général, à mon avis, le mou de pomme et le cidre va quand même avoir des ressemblances frappantes. Ici, on est complètement ailleurs. Je dirais même qu'au nez, là, ça sent le foin. Oui, exactement. Ça sent l'automne, à mon avis. C'est un cidre d'octobre parfait. On est vraiment entre la bière, le cidre, on n'est pas dans le trop sucré, il pleut dehors, tu as envie de t'asseoir avec ton verre de cidre puis un bon bouquet à la main, là, moi, ça serait un moment parfait. J'ai hâte de me sauver avec. Vu qu'il y a des céréales, justement, la céréale est beaucoup plus présente. Ça fait penser un peu plus à la saison automnale qu'un site plus sucré, des sucres, le temps des fêtes, l'hiver, etc. Ça nous rappelle quand même, c'est fou comment que le goût, ça peut nous rappeler des souvenirs propres à une saison ou à un moment de l'année vraiment précis. Puis ça, ben, effectivement, comme tu le dis, ça fait très automne comme cidre. Bravo, Pierre-Anne, pour le choix, alors. Ben, merci. Mais il y a de très, très beaux produits au Québec de plus en plus, en fait. Ça se développe beaucoup. Ben, en fait, comme la bière, comme le vin, le cidre est vraiment devenu une classe à part. Il y en a beaucoup de producteurs, en fait, dans les dernières années, ça a explosé. Puis d'ailleurs, ben, si ça vous intéresse, si un site comme ça vous intéresse, on a un bel atelier, en fait, justement, Émile Robert de la cidrerie Le Somnambule, qui vient nous voir le 17 octobre prochain pour démystifier tout ça. On fait une belle dégustation, donc 6 produits. Il y en a du Somnambule, il y en a aussi de la cidrerie Saint-Antoine. On va avoir aussi le Chemin des Sept, Rougemont, une cidrerie que j'aime beaucoup, qui est vraiment un brasseur breton d'origine. Donc là, il vient nous apporter son savoir-faire avec des pommes du Québec, qui est très intéressant. On reste un peu dans le style fermier comme ça ici, des cidres qui sont vieillis en barrique, des beaux produits, des belles exclusivités. Donc si ça vous intéresse, allez sur notre site corgan.ca. Il y a des billets en vente pour le 17 octobre prochain. C'est vraiment cool. C'est un mercredi, effectivement. Mercredi soir, bien oui. Ça sera à 18h. Le cidre et la pomme, si vous cherchez le tout, sur lepointdevente.com. Également, le site de la cidrerie Le Somnambule, présenté ce soir, lesomnambule.com. Il y a des visites guidées de la cidrerie, l'auto-cueillette des bleuets aussi, et de pommes, bien sûr, à découvrir. Pierre-Anne Saint-Jean, merci beaucoup. Mais ça me fait plaisir. C'était un plaisir aussi de déguster ce cidre avec toi. Dans quelques instants, notre chanteur de charme, Gab Paquette, va s'installer. Mais on va l'écouter tout de suite avec un titre assez étonnant, Partouze. Merci. Thank you. partout. C'est KRL 89 ans, on vient d'entendre Gab Paquette. Gab Paquette qui va rester au micro, déjà prêt pour sa perfo. Il était avec nous, c'est notre dernier invité de sortie culturelle. Bonjour Gab. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, c'est bon, c'est une entrevue à l'aveugle, je te vois pas. C'est clair, on n'est même pas en face à face. Il est prêt, il vient de finir son soundcheck, puis on va faire l'entrevue comme ça. Tu entends ma voix, Gab? Oui, je t'imagine. Gab, il se passe énormément de choses pour toi. C'est assez incroyable de voir. La scène est assez loufoque à la Corrigane pour ceux qui sont à la maison. Tu vas présenter un 5 à 7 nostalgie ce jeudi 27 septembre à la brasserie La Faucheuse. Faut que tu m'expliques quel est le concept, là. Mais en fait, j'ai été invité par le staff de la brasserie La Faucheuse. Et puis, c'est ça, ils font des petites soirées comme ça. Ils invitent des gens à inviter leur monde. Puis, j'ai besoin de prendre contact avec mon public. Puis, on va se parler droit dans les yeux. Là, puis, on va discuter. Je pense qu'on va pouvoir jouer au Nintendo ensemble. Puis tout, là. Le but, c'est de prendre un moment ensemble. Mais t'es aussi le barman du 5 à 7, si ouais, je comprends bien? Oui, je fais ça aussi à l'occasion comme métier. D'accord. pour compléter. Pour compléter, oui, c'est ça. J'ai de l'expérience. Alors, 5 à 7 nostalgie à la brasserie La Faucheuse, c'est ce jeudi 27 septembre à partir de 17h. On va aussi te voir, Gab, en peinture et musique en direct à la place Limouloise ce samedi dès 13h. Ça aussi, c'est encore un autre concept. Un concept incroyable. Un concept que je n'étais même pas au courant moi-même. En fait. Dans le cadre des journées de la culture, quand même. Ça m'a surpris. Peinture et musique, je croyais pas un jour pouvoir marier les deux domaines en même temps. Donc, pour l'occasion, c'est sûr qu'on va préparer des musiques un petit peu plus visuelles, là. Pour des choses imagées, là, des chansons imagées. Et pourtant, toutes tes chansons sont imagées, Gab. Consommation, ouais. Moi, je vois très bien ce qui se passe. Ben, c'est ça, tu viendras faire une toile. Ah oui? Faire une toile. Tu me mets au défi de peindre, en plus. C'est du beau. Et Gab, tu as organisé en fin de semaine le barbecue du cœur. Le barbecue du cœur, oui. À l'église Saint-Fidèle. Un superbe événement, pour vrai, une initiative d'un fan dévoué qui est venu me voir et m'a dit, Gab, je serais vraiment sur ton projet... Puis j'organise des barbecues, je fais ça pour t'aider, on y va, let's go. J'aimerais ça que ça s'appelle le barbecue du cœur. Fait que j'ai dit, pourquoi pas, on y va. Fait qu'on a fait une petite kermesse, il y avait des familles qui étaient là, des du amis. Karaoké. Du karaoké. On n'a pas eu le temps de faire du karaoké parce qu'on avait pris un petit peu de retard, mais sauf qu'il y a eu plein d'autres activités, puis du beau monde surtout, qui sont venus, qui sont passés pendant le 5 à 7, puis jusqu'à tard même. À l'église Saint-Fidèle, c'était merveilleux. Mais Limoilou t'a complètement adopté cet été. Tu as fait plusieurs spectacles dans Limoilou, au marché public, à la place Mézeray aussi, avec ton Noël des campeurs. Oui. On dit qu'on n'est pas prophète dans son pays, hein, mais je viens de Limoilou. Moi, je suis un gars de Limoilou. J'ai fait mon école à peu près dans un rayon de 300 mètres. J'exagère même pas. Parce que j'ai été à la petite école Saint-François d'Assise, ensuite j'étais à Rocamadour, après ça j'étais à Brébeuf, après ça j'étais au Cégep Limoilou. Fait que tu sais, je suis un gars de Limoilou pour vrai. Là. T'as tourné des vidéoclips dans Limoilou aussi? J'ai tourné des vidéoclips dans Limoilou sur la 3e avenue. On peut m'apercevoir aller me faire couper les cheveux au salon de coiffure. Coiffure plus! Coiffure plus! Casiopa des moustaches, bien sûr. Casiopa des moustaches, c'est ça. Si vous voulez avoir une coupe aussi distinguée que la mienne, je vous le recommande. Ah, c'est à voir, vraiment. C'est un vidéoclip qui ne prend pas une ride, faut bien le dire, sur la chaîne YouTube de Gab Paquette. Alors Gab, je suis très contente, tu vas réserver ce soir une chanson exclusive. Ben, disons-le. Au public disons-le. De CKRL. Oui, oui, oui. C'est une chanson que je traîne un petit peu par-ci, par-là, déjà dans des contextes de spectacles acoustiques ou que je fais des spectacles aussi en duo avec Claudia Gagné à la contrebasse. Qui est ici, qui avait vraiment le goût de venir vous parler, mais j'ai dit non parce que ma guide se branche pas, fait que j'ai besoin du micro. Ah. Voilà. Donc il y avait pas assez de micro pour Claudia. C'est ça. Sauf que on a quand même, on s'est inspiré, je me suis inspiré pour cette chanson d'une thématique qui vient tout droit du cœur. C'est une thématique qui est un fait vécu, la compensation amoureuse par les animaux de compagnie. Alors, je pense que tout le monde ici ont déjà vécu le phénomène. Hein? On se fait laisser, un être cher meurt et on se rend directement à l'animalerie se chercher un hamster ou une gerboise là, pour compenser. Donc, c'est une chanson qui s'appelle « Zoo ». Oui, avant que tu l'interprètes, Gab, parce qu'on va se quitter là-dessus déjà, c'est beaucoup trop court. C'est une petite vite, comme on m'a glissé à l'oreille. C'est comme ça. Merci Mikey G, metteur en onde. On va conclure Sortie culturelle à la Corrigan avec cette toute nouvelle chanson de Gab Paquet. Je remercie toute l'équipe avec moi aujourd'hui. Simon Roy, Isabelle Baume, la Corrigan qui nous accueille. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, 17h30, mardi, pour une nouvelle émission de Sortie culturelle à la Corrigan. Dans quelques instants, c'est Funk d'Amérique avec Gilles Chomel. Mais on conclut l'émission avec notre cher Gab Paquet. Une bonne main d'applaudissement, s'il vous plaît, pour cette nouvelle chanson. Zou! Depuis que t'es parti, je m'ennuie, je l'avoue, j'ai besoin d'amis. Y'a Kiki et Toutou et Touki, ils font dire bonjour. Y'a Gazou et Oti, y'a Cachou et Pucci et toute la famille. Dou bisou du zou, ah, dou bisou du zou, ah, dou bisou du zou, ah, dou bisou du zou, ah. Ma chérie, j'ai toujours notre poisson rouge que je nourris chaque jour. Presque chaque jour, t'as compris entre nous. J'ai mes petits chouchous, mais t'es mon seul amour. Y'a Gazou, y'a Odi, y'a Ruki, y'a Kuki, y'a Minoun qui accouche aujourd'hui, tout petit Minou. Sortie culturelle à la Corrigan vous a été présentée en direct du 380 rue Dorchester.